Chapitre 30e. Le lendemain matin, vers 10 heures, le marquis se rendit rue Rossini au bureau de la fortune publique. Il n'avait point le numéro de la maison, mais une immense enseigne peinte en lettres d'or sur fond d'azur et toute flambant neuve lui indiqua le siège de cet établissement financier. Il monta au premier étage par un escalier sombre. Deux portes ouvraient sur le palier, couvertes du haut en bas d'écussons en cuivre, brillants, luisants, éblouissants. Sur l'un, on lisait « banque », sur l'autre « journal », le tout encadré des deux mots « fortune publique » qui faisait une auréole à ces indications pratiques. Où entrer ? Il se décida pour la banque. Dans l'antichambre, il trouva un garçon de bureau couvert de décorations et de médias militaires qui lui répondit poliment que M. Beaujolnier était absent pour le moment, mais qu'il allait sans doute arriver bientôt. On le fit entrer dans une salle d'attente où se trouvait un autre garçon, non moins médaillé et non moins décoré, qui, du bout de son couteau, s'occupait gravement à déchiqueter une table en bois noir. Cette salle d'attente était en communication avec toutes les pièces de l'appartement par deux corridors. De l'endroit où le marquis s'était assis, il voyait jusqu'au bout de ces corridors. Il se mit à regarder autour de lui. N'étaient les nombreuses décorations des garçons qui criaient la réclame, on pouvait se croire dans une honnête maison. Un bruit de voix arriva jusqu'à lui. « Nous n'acceptons personne sans cautionnement. » « Déposez 3 000 ou 5 000 francs à la caisse, selon la position que vous désirez, et vous aurez la place. Pour nous, le cautionnement est la meilleure des recommandations. Je n'ai que 750 francs. Apportez vos 750 francs, on vous trouvera une place proportionnée à votre dépôt. Puis-je venir demain ? Non, il sera trop tard. Venez ce soir avant 4 heures. » Il se fit un silence, mais du côté opposé, un nouvel entretien commença. « J'ai lu dans votre journal, disait une voix, que les actionnaires des ports de Tripoli pouvaient se présenter dans vos bureaux pour recevoir une communication intéressante. « Oui, monsieur, » répliqua une voix goguenarde, « et vous pouvez compter que ce sera à peu près la seule chose que les ports de Tripoli vous rapporteront. L'affaire est donc mauvaise, désastreuse. Comment a-t-on pu souscrire des actions dans une pareille affaire ? Rien que le transport du Tripoli à bord des navires de la société devait donner plus de 15%. On vous a dit ça ? Dame, le monopole de la fourniture du Tripoli dans le monde entier, c'est quelque chose. Enfin, pour le moment, l'affaire va mal. Mais il y a à la tête de la société des gens qui peuvent rembourser les actionnaires, si l'on sait les faire payer. Plus de 1 200 porteurs nous ont déjà mis leurs intérêts dans les mains. Si vous voulez déposer vos actions, nous vous représenterons, moyennant 1 franc seulement par action, et nous vous ferons avoir quelque chose, beaucoup même, probablement. Seulement, ne reprenez plus des ports de Tripoli ou autres, n'est-ce pas ? Il y a assez de bonnes affaires sur la place qui donnent plus de 15, et certaines, ainsi les canaux irrigateurs, par exemple. C'est bon, 20% et des garanties plus solides que l'État n'en peut donner. L'émission se fait précisément par nous, vous aurez tous les renseignements que vous voudrez. Le marquis n'en entendit pas davantage, car à ce moment, une personne qui traversait la salle d'attente s'arrêta devant lui. « Monsieur le marquis de Rudemont, ici ?» s'écria cette personne qui était l'agent de change du marquis. « Vous y êtes bien, vous, mon cher monsieur ?» répliqua le marquis en riant. « Moi, monsieur le marquis, c'est différent. Au reste, si vous voulez bien me donner 2 minutes d'entretien en particulier, je vais vous dire ce qui m'amène dans cette maison, et puisque je vous y trouve, cela pourra peut-être vous servir. C'est que j'attends quelqu'un ici, monsieur le capitaine Beaujolnier. Je ne veux pas vous entraîner loin, seulement sur le palier. » Le marquis hésita un moment, puis il se décida à suivre l'agent de change. Dans ce qu'on allait lui dire, pouvait se trouver des choses bonnes à connaître, à un moment où il entrait en négociation avec le capitaine. Ils sortirent donc. « Monsieur le marquis, » dit l'agent de change à mi-voix, « j'ai un cocher qui est à mon service depuis 15 ans. C'est un homme tranquille. Il a fait des économies, 5 ou 6 000 francs mis lentement de côté. À quoi croyez-vous qu'il ait employé ces économies et comment ? Peut-être pensez-vous qu'il m'a demandé avis pour les placer de la manière la plus sûre et la plus avantageuse. Eh bien non. Me demandez avis à moi. Allons donc. Vous êtes son maître. Précisément. Il s'est donc éclairé tout seul en lisant les annonces des journaux financiers. Il a mis tout ce qu'il avait lentement et péniblement gagné dans la fortune publique. Moi, je n'aurais pu faire apporter à son argent solidement placé qu'un intérêt honnête, 7 ou 8%. Tandis que lui, qui n'est pas agent de change, lui, qui n'est pas bête, il a trouvé tout seul que la fortune publique lui rapporterait 20 ou 25%. Mais bientôt, toujours tout seul, il a découvert aussi que la fortune publique n'était pas précisément ce que disent les annonces. Il est venu me conter ses craintes, et maintenant je manœuvre pour tâcher de lui faire rendre ses économies. Comme je sais beaucoup de choses qui, dans mes mains, sont des armes puissantes, j'arriverai peut-être à les rattraper. Voilà, monsieur le marquis, ce qui m'amène dans cette maison, et peut-être n'est-il pas inutile que vous le sachiez. Croyez-vous donc que je viens confier mes économies à la fortune publique, comme votre cocher pour en tirer un gros intérêt ? Et le marquis se mit à rire franchement. D'abord, je n'ai pas d'économie, et ensuite, la fièvre de la spéculation ne m'a jamais atteint. Vous le savez mieux que personne. Non, je viens tout simplement ici pour traiter une affaire personnelle avec le directeur de cette maison, monsieur le capitaine Beaujonnier. Mais je ne vous en suis pas reconnaissant de l'avertissement que vous avez cru devoir me donner. Il me fait connaître le personnage. C'est un coquin, n'est-ce pas ? L'agent de change baissa la voix. Lui, je ne sais pas au juste, mais pour le véritable chef de cette entreprise, vous ne vous trompez pas. Ce n'est donc pas monsieur Beaujonnier qui est le chef de cette maison ? Pas le moins du monde. Beaujonnier, c'est un nom, c'est une enseigne. Vous pensez bien que si peu sérieuses que puissent être les affaires d'une maison de ce genre, elles ne peuvent être faites cependant par un officier de cavalerie qui un beau matin s'est réveillé financier. Le véritable fondateur, le maître, le chef de cette maison, est un ancien huissier de Saint-Lô, un bas-normand rusé et retors qui a eu des malheurs avec la justice. Ne pouvant pas ouvrir une maison de banque sous son nom, il a cherché une enseigne. Il connaissait le capitaine Beaujonnier pour l'avoir vu autrefois à l'œuvre. Bonne tenue, décoré, officier, suffisamment intelligent pour répéter à midi ce qu'on lui apprend le matin, ne se laissant intimider par personne. C'était l'homme qu'il lui fallait. Il en a fait le directeur apparent de la fortune publique. « Et c'est une position pour le capitaine ?» demanda le marquis, que ces détails intéressaient. Au point de vue de la négociation qu'il allait bientôt entreprendre, il importait en effet beaucoup qu'il sût si Beaujonnier était ou n'était pas en situation de refuser ses propositions. « Position, si l'on veut, » répliqua l'agent de change. « À la surface, en est une. Au fond, ce n'est rien. Demain, tout cela peut s'écrouler. Il suffit qu'un actionnaire aille déposer une plainte au parquet, moi par exemple, si l'on ne me rend pas l'argent de mon bêta de cocher. La maison de banque, vous voyez ce qu'elle est. Quant au journal, il ne vaut pas mieux. 2,50 francs par an, » dit le marquis en lisant un des écussons. « Oui, 52 numéros par an pour 50 sous. On a 2 numéros gratis. » Mais ce n'est pas le prix de l'abonnement qui fait le peu de valeur du journal, car plus le prix est faible, plus il y a de chances pour avoir des abonnés, et les abonnés font des clients pour la maison de banque, c'est-à-dire des dupes. Ce qu'on perd avec l'abonné, on le regagne largement avec le client. Toute la spéculation est là. Vous voyez donc que la position de celui qui vous occupe est plus que précaire. Cependant, elle a quelques agréments pour un homme de ce genre. Aussi, comme il faut inspirer confiance et briller, on lui remet tous les matins 15 francs pour déjeuner. Depuis 11 heures du matin jusqu'à 1 heure, on répond aux clients qui demandent M. Beaujonnier que s'ils ont absolument besoin de le voir, ils le trouveront au café riche où il déjeune. Et ils les trouvent, ou bien ils le voient de loin, n'osant eux-mêmes entrer, ils sont éblouis. Décoré, café riche. Ils tirent leurs économies de leur bas de laine, et satisfaits d'avoir fait un bon placement, ils vont déjeuner, eux, au bouillon du Val. Pauvre Clémence, pensait le marquis en écoutant ces renseignements. Malheureuse petite femme. « Je suppose que c'est la réponse qu'on va vous faire tout à l'heure, » continua l'agent de change, « car vous avez l'apparence d'un client sérieux. » Cette prévision était juste. Quand le marquis entra dans la salle d'attente, le garçon de bureau vint à lui. « Il est possible que M. Beaujonnier ne vienne pas ce matin, » dit-il. « Mais si vous avez besoin de le voir, vous le trouverez sûrement au café riche, où il déjeune tous les jours. Si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez qu'à demander au garçon, qui vous indiquera sa table. »